C'est à ce moment précis que le garçon à l'accent italien tire les cartes à la fille au tricot bleu. Le diable rentre dans son corps et ferme la porte. Pour être écrit, et c'est toujours les mêmes, tu vois. Ouais. C'est toujours la même, tu vois. Il y a 22 cartes qui représentent le parcours de l'existence, tu vois, de l'existence humaine. Dans ces 22 cartes, c'est toujours ça. Et c'est toi là-dedans qui te trouves à travers une conscience, tu trouves des connexions à ça, tu vois. Ouais. C'est très différent que ça. À la vie. À la vie. Voilà. J'ai fini. On boit encore en absinthe. Stéphanie. Oui. C'est magnifique. C'est à ce moment-là. À la troisième absinthe, que tout commence. La succession de moments, le froid, le métro, les gens, le bar, la bière, le prosecco et les théories sur le christianisme. Ce potentiel spectateur, c'est peut-être Dieu, il se tourne de quelques degrés et il arrive à regarder la vie comme ça. À côté du bar, un tableau de David se met en place, dans des corps nus extasiés sur deux canapés genre Mars désarmé par Vénus. Une scène sensuelle éclairée par le haut perdu dans une autre réalité. À ce moment, les acteurs de l'univers ils se trouvent sous cette ligne de regard. Ils se retrouvent à des dates différentes. À des temps différents, quoi. Et après, il y avait le moment meilleur, c'est de toute la messe, hein, ça, où nous, on était toujours entre 6 et 8 enfants du cœur. Hein. Et du coup, où on essayait à chaque fois de pouvoir faire ça, mais toi, c'était pas facile. Ça nous allait peut-être une fois sur 10 à chaque fois, une fois sur 10 messes, de pouvoir avoir ce rôle. Et c'était celui-là de sortir avant tout le monde, passer devant un. L'hôtel, y tourner autour et aller derrière l'hôtel et se retourner envers tous les gens qui étaient en place. Et derrière l'hôtel, il y a un petit bouton rouge et tout est appuyé sur ce bouton. Et à ce moment, ça commençait le morceau de musique qui permettait après à le prêtre et aux enfants de cœur de rentrer. Et ce moment, quoi, c'était le début, c'était comme un hôtel, ça fait plus un stage de DJ, comme ça. Quoi. Puis les moments s'enchaînent, les pas, la danse, les blagues, les genoux, le tapis, le grand blanc concentré, la japonaise envoyée, celle qui bute des verres en souriant, l'ambiance contrôlée, et la fille sans son pull raconte ce moment bien, qui n'est pas tout à fait là, ou ce moment pas mal à elle. Un moment pas mal, c'est quand tu danses en tournant entre les gens. Avec un verre plein à la main, que tous versent et se renversent progressivement. Ou plutôt, juste après ça, le moment où les chaussures glissent, où le vin coule sur les robes et où les pantalons en simili transpirent abondamment. c'est bien. C'était pas précisément ce moment-là sur sa montre, il était 6 heures. À ce moment, le garçon à l'accent italien demande à la fille au pull si elle aime manger. Alors s'enchaîne toute une discussion sur le bon et l'établissement de l'ordre des meilleures choses au monde. En premier, la baise. Il n'aime certainement pas le mot baise, alors on dira l'amour. Ou peut-être simplement le sexe quand il est bien fait. En deux, le manger. Enfin, c'est pareil, pas le manger n'importe comment, le manger bon. Et peut-être après en trois ou quelque chose comme ça, les moments où toute la concentration est dans une seule chose complète et satisfaisante, comme le moment créatif. Pas mal, c'est quand on joue simplement, qu'on s'attaque, qu'on rit. On aurait pu aussi parler de respirer l'air dans une rafale de vent, de regarder la mer depuis une falaise, de marcher dans les feuilles mortes, de regarder une centaine d'oiseaux se regrouper en forme organique, abstraite et voler dans une harmonie superbe, de la neige, de l'eau qui coule sur la peau. On parlait du moment où on boit sans s'arrêter jusqu'à ce que le corps vive seul, sans la pensée. Entre le sexe et manger, qui va un peu entre les deux, c'est la grillade en compagnie le jour après une grosse cuite à l'extérieur. C'est vraiment en dehors. C'est magnifique. Parce que tu continues un peu la fête, mais un peu tranquille comme ça, toi, et en même temps, t'es en compagnie, vraiment aussi le faire avec des gens. Qui t'a fait la fête le jour avant, tout mange, tout aliment, et tout le monde il est un peu dans un stade, t'es comme dans un stade détaché, de normal. C'est magnifique, moi ça c'est le meilleur moment de la vie. Peut-être juste après ça. Calme, où quelques théories s'enchaînent, quelques vers. Voilà la soupe. La soupe. Là. Juste à ce moment-là s'enchaînent à nouveau les moments. Invitation à une fête avec pour thème le surgelé. Boulettes de viande Ikea, rusty triangle, mystère dégueulasse fourré au fromage, lasagne froide, alcool de noix qu'ils ont fabriqué quelque part par là, finil blanc dans une tasse. Sono cose che servono ad altro, che sono delle pizzette un po'. Un fauteuil trouvé dans la rue, shot de vodka s'enchaîne tous en italien, tout en italien. Au début, la fille au cou, elle fait l'effort d'être là, dans son cul. Puis, progressivement, la langue, les couleurs, les toniques, les accents, les emballés, tout devient comme un flot de son sympathique. Ouais, vas-y. L'alcool coule dans les verres, les tasses et tout ce qui peut contenir du liquide, la gorge, le ventre et entre les doigts. Ah oui, tiens, un moment bien, c'est quand on comprend rien à la langue. La fille a changé de pull, elle est assise là et dit OK avec la tête. Alors, l'alcool coule de partout. L'autre moment, c'est quand ils se tiennent à trois, dans la rue, chacun sous un bras. Les jambes ne tiennent plus, les rires, les chansons déglinguées, les jambes qui avancent, les corps qui se déboîtent, les corps qui tombent un peu et avancent seuls. Les corps seuls sont nous. Les corps dansent, parlent, peu importe, ils vivent seuls, n'importe où et n'importe comment. Un autre moment, quand il ne reste plus que des sons et des lumières, des formes abstraites comme celles que forment les centaines d'oiseaux dans le ciel, ou juste après ça, quand il fait déjà gris, un décor prend son pull, met sa veste, prend ses affaires et part droit. Il marche, peu droit, mais avance dans une direction. Le moment où il est certain que tout droit, on y arrivera. ou peut-être juste après ça, le moment où il se rend compte qu'il est complètement perdu dans l'espace et dans le temps, le moment où il n'y a plus de nord, plus de sud, plus d'avant d'après, plus de haut et de bas, le moment où le corps est uniquement corps, n'importe où, dans la ville, le moment où les gens, le son, la pensée, les magasins, les pas n'existent pas, juste le corps, les jambes et les pieds du corps. Là, l'autre fille qui avait changé de pull et perdu son corps croise son corps avec son pull et sa veste. Elle croise son corps accroupi contre une voiture. Le pull est un peu plus sale qu'avant. Le corps a du mal dans son système digestif. Elle rentre dans le corps et ferme la porte. La fille au pull sale marche dans le corps sensible et malade des heures et lui fait respirer fortement l'air très froid. C'est peut-être à ce moment-là que le corps se rend compte qu'il respire. Et ça, c'est déjà une de ces choses pas mal. Au moment où tu sens l'odeur des feuilles mortes, ou le moment où tu mets les cheveux en arrière pour faire comme si ça allait mieux. Un moment vraiment beau, c'est quand le corps a les clés pour rentrer dormir, dans sa veste, dans sa main même, et qu'il est devant la porte, qu'il rentre, laisse les clés sur la porte, se couche sur le lit. Les moments s'enchaînent dans le corps somnolent qui est froid, le corps qui refuse de répondre à la fille, le thé, le corps qui se tourne à gauche, à droite, et enfin le soir, les pattes de corps, la douche et la résurrection. Le corps et la tête ensemble devant les pattes. On aurait pu faire aussi des pâtes à la sauce de Capri. Je ne sais pas ce que c'est Capri. Bah, sans surprise. Capri, c'est l'île devant Naples. Hein? Ah, les Capri. C'est tomate Capri. Thank you. C'est sans doute à ce moment, dans ce plat de pâte et dans cette tisane camomille que les structures construites n'importe comment, juste avec de l'or et de l'argent, se balancent et s'effondrent joliment. Que les pyramides des ambassadeurs de Ferrero Rocher dégringolent et certainement à ce moment aussi qu'un par un, les cristaux en flèches, les lustres modules gigantesques se détachent et tranchent l'air. Alors, c'est une pluie de grêlons aiguisés qui se brise sur le marbre clair, en centaines d'éclats. Je pensais à téléphérique, mais je pense pas à téléphérique. Ça va. Téléphérique. Mais c'est vrai qu'en téléphérique, je pense qu'il s'écrase. Il a oublié. Comme un téléphérique. Parce qu'après, tu as un moment où le téléphérique tombe. Voilà, peut-être pour ça. Tombe comme une téléphérique, mais la montagne tombe. Quand il s'écrase, il tombe sur la neige. La neige est faite par des cristaux. Potentiellement, au niveau conceptuel, pas sonore, il y a une liaison. C'est pas mal s'il y a un téléphérique dans mon histoire. Oui, donc ça te fait penser à la neige, bien sûr. Inconsciemment, oui. Merde. Putain. Oh non. Le vieux sein de la grand-mère. La fille au pull pense à la vie, loin du froid, à son moment pas mal à elle. Le moment où tu pisses à pieds nus accroupi et que tu sens la piste couler sous les orteils. Mais plutôt juste après ça, le moment où tu regardes la lune derrière les arbres et les nuages qui filent dessus et que tu te frottes les pieds dans l'herbe. Ou le moment après où tu décides de sauter. Et plutôt juste après ça, le moment où tu ressors de l'eau avec la chair de poule et le moment parfait après où le soleil fait rouler chacune des billes transparentes sur le sol chaud. Et le moment où il n'y a que la mer qui fait du bruit. Le moment où il n'y a que le moment, les aires d'autoroute, la route, les corps, n'importe où. Le ciel immense et le moment hors du moment, le moment hors du temps. Comment t'as dit ? À la vie. Ok. Encore une fois, quoi. Ouais, j'ai encore ça. Passer ça. Un peu de douleur. C'est magnifique. J'ai pas de goût. Thank you.